souvent, je te raconte les histoires de ma vie. Et je me rends compte que c'est toi, ma vie. Ce n'est pas pour te flatter que je te dis, sans te vanter, tu es belle, amie. Je te veux ici. Pourquoi suis-je si confus dans mes idées que je perds de vue le bonheur? Il faut alors t'emmener au pays merveilleux des rois des dieux pour te consoler. Alors viens avec moi, on les visitera le bras dans le bras. Voilà.